Chapitre 9e. Abel n'avait rien deviné, ni le sentiment de répulsion qu'avait inspiré son attitude, ni les défiances qui peu à peu l'enveloppaient. Ce rachitique était triomphant. La grande épreuve, si redoutée, était passée, et dans les meilleures conditions. Il ne s'était même pas troublé. Il avait eu réponse à tout. Lui, qu'on semblait tenir pour niais, il avait trompé la justice, dépisté des magistrats. Quant à ce voisineau, tant pis pour lui. Pourquoi s'était-il jeté bêtement dans la gueule du loup? Il paierait sa sottise, voilà tout. Pourquoi s'obstinait-il d'ailleurs à soutenir qu'il avait trouvé le fusil à 10 heures du matin? Parce que c'était vrai. Mais à quoi cela lui servirait-il de dire la vérité? Pourquoi n'acceptait-il pas tout simplement l'autre version? S'il avait admis l'avoir ramassé le soir, il en était quitte pour être accusé de s'être approprié quelque chose qui ne lui appartenait pas. Ces gens-là ne comprennent rien. Abel se considérait comme s'étant montré très fort. Il était fier de lui-même. Il était bon d'ailleurs que cette aventure eût lieu. Il avait vu le danger en face, et son épouvante était diminuée. L'hallucination de la nuit céderait à la réalité rassurante, il en avait la conviction. Peut-être serait-il appelé encore en témoignage contre le braconnier. Eh bien, il ne se départirait pas de son système. Si l'homme était accusé d'assassinat, s'il était condamné, à cette hypothèse, Abel n'avait même pas un frisson. C'était le salut définitif, rien de plus. Du reste, il reconnaissait qu'il était inutile, pour sa propre sécurité, que les choses fussent poussées aussi loin. Après tout, il n'avait aucune raison de vouloir la mort de cet imbécile. Seulement, il y avait quelqu'un qui ne resterait pas longtemps dans la maison. C'était ce Thomas, qui avait eu l'air de prendre parti contre lui. Non qu'il eût parlé, mais son attitude, alors qu'il se tenait au fond de la pièce, les bras croisés, les yeux fixés sur Abel, l'avait agacé et irrité. Son organisme essentiellement vibrant s'était senti troublé. Encore un qu'il haïssait d'instinct. Il était revenu auprès de son père. C'était une reprise de possession. Ce vieillard impotent était sa sauvegarde. Le malheureux Loisy ne comprenait rien à ce qui s'était passé autour de lui. À sa première agitation, qui s'était traduite par une verbosité inaccoutumée, par des larmes aussi, avait succédé une torpeur lasse. Il était étendu dans son fauteuil, la tête pendant sur sa poitrine, la lèvre flasque, très pâle. Son visage maigre et long avait des finesses byzantines. De la calotte qui lui couvrait le front, des mèches grises s'échappaient, et la longue robe de chambre, brune, à cordelière de soie, se collait au corps osseux et qui semblait avoir été laminé par le mal. En ces quelques mois, la décadence avait été prompte, s'accentuant chaque jour en un affaiblissement, en une diminution de tout l'être. Ce soir-là, particulièrement, à la lueur de la lampe qui se projetait sur sa forme immobile, il avait l'étrangeté sépulcrale d'une statue de cire. Abel était auprès de lui, accoudé à son fauteuil, les yeux à demi fermés, écoutant sa pensée qui, avec la nuit, chevauchait sous son crâne, plus active, moins dirigeable. Il essayait de la mater par le repos, par le silence, mais il craignait de n'en être pas le maître, tout à l'heure, quand il serait seul, et pourtant il se répétait sans cesse que la journée avait été bonne. Madame Loisy, toujours placide, travaillait. Parfois elle levait les yeux sur ce groupe qui représentait pour elle tout le présent et tout l'avenir. Elle trouvait son mari bien pâle, mais c'était sans doute la fatigue. Le moindre dérangement de ses habitudes l'énervait et le brisait. L'idée d'un danger prochain ne lui venait pas, et elle conservait l'infatigable espoir de la guérison. Puis ses regards se portaient sur Abel. Pourquoi, tout à l'heure, lorsqu'elle l'avait entendu répondre au magistrat, quelque chose dans sa voix lui avait-il paru sonner faux? Elle avait eu la sensation d'une dissonance. Alors qu'il démentait les affirmations du braconnier, pourquoi avait-il aux lèvres ce rictus encoléré, méchant? Madame Loisy, très douce, profondément honnête de cœur et de conscience, avait d'exquises délicatesses, des bontés essentiellement féminines. Elle n'avait pas un seul instant cru à la culpabilité de Voisineau, qu'elle connaissait depuis longtemps, ne s'étant pas fait faute de lui acheter, pour la table de son mari, une perdrix ou un lièvre en temps prohibé. Georges avait souvent parlé de lui, et le jeune homme, ayant fait quelques excursions en sa compagnie, se plaisait à exalter l'habileté professionnelle du chasseur irrégulier. De plus, Madame Loisy n'avait jamais douté que la mort de son fils aîné dût être attribuée à un accident. Que Voisineau eût ramassé le fusil de Georges, qu'il se le fût approprié, c'était là une mince Picardie qui s'expliquait d'elle-même. Seulement, pour la première fois, elle arrêtait son esprit sur ce détail de l'heure et chose singulière, inexplicable, l'affirmation de Voisineau l'avait moins frappée que la dénégation irritée, presque injurieuse d'Abel. En ce moment, et pour la 20e fois, le jeune homme, rivé à son apathie physique, ressassait dans sa pensée la scène de la journée. Il avait à la bouche un demi-sourire de raillerie et de triomphe. C'est qu'il revoyait la figure ahurie du braconnier et qu'il entendait le magistrat lui imposer silence. Ce rire silencieux, qui avait je ne sais quel caractère cruel, surprenait la pauvre mère dont l'événement avait réveillé toute la douleur. Malgré elle, sans le savoir, elle comparait cette face mince, anguleuse, étriquée, à l'image épanouie, jeune, franche, de son aîné. Cette physionomie, moralement et physiquement maladive, lui rappelait par antithèse l'autre, si éloquemment saine. Mais bien vite, elle s'efforçait d'échapper à cette comparaison qui s'imposait à elle. Aussi, tout à l'heure déjà, elle avait racheté par un baiser de mère, baiser d'expiation, ce mouvement d'hésitation qu'elle n'avait pu réprimer, sans qu'au juste elle en comprît la cause. Maintenant, elle voulait se convaincre d'une injustice et se la reprocher. Abel n'était-il pas le meilleur, le plus dévoué des fils? Les liens qu'il attachait à son père et que nulle force ne pourrait briser, ne devaient-ils pas se ramifier par des nœuds intimes au cœur de la mère? Contre ce malaise dont elle n'était pas maîtresse, réagissait l'égoïsme de son amour pour son mari, car elle savait que la vie de Loisy était en quelque sorte suspendue au dévouement de son fils Abel. Il ne pouvait se passer de lui une seule minute, et aujourd'hui encore, une séparation de quelques instants avait failli amener une crise. Qui sait même si cette prostration inaccoutumée n'en était pas le résultat. Combien elle était heureuse au contraire, combien elle devait se féliciter qu'Abel eût renoncé, et avec elle l'abnégation à tous les plaisirs de son âge, se sacrifiant tout entier à ce rôle de garde-malade. Et au lieu de reconnaissance, elle trouvait en elle une défiance injustifiable. C'était presque un crime. La pendule sonna 9 heures. « Père, dit Madame Loisy à son mari, veux-tu te coucher ?» Tous les jours, il se mettait au lit à 7 heures. Il n'entendit pas tout de suite. Elle dut répéter. Loisy leva ses paupières lourdes et dit « Me coucher ? Ah oui, oui, je veux bien. » Et immédiatement, sa main, battant le vide, cherche le bras d'Abel pour s'y appuyer. Le jeune homme obéit à cet appel muet, hypnotisé par la pensée absorbante qui bourdonnait dans son cerveau. Il accomplit machinalement sa fonction de chaque soir, ayant pour le malade des ménagements dès longtemps réglés, des gestes doux et presque caressants. Comme tous les jours, il lui dit « Tu m'aimes bien, père, n'est-ce pas ?» Et le malade répondait « Oui, oui, Abel », avec un frémissement de satisfaction. Il se sentait plus débile encore qu'à l'ordinaire, mais le bras nerveux d'Abel se faisait plus vigoureux. Déshabillé, Loisy traîna les pieds jusqu'à son lit. Il fallut que son fils lui appuyât d'abord le torse contre les oreillers, puis, quand la tête fut posée, prit les jambes entre ses bras pour les étendre sous le drap. Loisy, ce qui restait de lui, hélas, était heureux, poussant un long soupir de satisfaction, puis se mettant à fredonner des bribes d'air, comme les enfants qui se bercent eux-mêmes de la monotonie des refrains de nourrice. Il n'avait gardé dans sa main, qui ne serrait guère, la main d'Abel. Madame Loisy s'approcha pour l'embrasser au front. Abel fit un mouvement pour céder la place à sa mère. « Non, non !» fit le paralysé. « Reste, reste !»« Il ne va pas lâcher ma main !» dit tout bas Abel à sa mère. Elle eut un sourire d'ineffable résignation. Est-ce qu'elle pouvait être jalouse? Et debout, appuyée au bout du lit, elle les considérait tous deux, émue de ce spectacle qui lui montrait ces deux êtres unis par un incoercible amour. La main, toujours cachée sous le drap, Abel, patient, ne bougeait pas. Autour des trois personnages, le silence s'épaississait avec sa mélancolie reposante, troublée seulement par les respirations de Loisy, parfois arrêtées par un frottement guttural qui brisait le son, le troublant par des espèces de cassures. Puis peu à peu, les expirations se firent plus longues. Alors le visage, tourné en haut par la pose plate des épaules, ressemblait à un masque plus terreux que blafard. Au bord des paupières closes, une trace de bistre formait une frange. La lèvre inférieure s'avançait, retombant avec un pli flasque. Encore quelques minutes se passèrent. Abel ne songeait pas à retirer sa main. Une infinie sensation de calme l'emplissait tout entier, pesante et alanguie. « Il dort, » lui dit sa mère. Abel tressaillit, comme réveillé. Madame Loisy s'écarta du lit et retourna auprès de la table, sur laquelle était posée la lampe voilée de son abat-jour. C'était là que tous les soirs, à cette même heure d'ensommeillement de toute la maison, qu'elle se mettait à travailler à l'aiguille, ayant en face d'elle Abel, qui s'étendait, aveuglé, dans le fauteuil que venait de quitter son père. C'était pour lui une jouissance dans laquelle s'épanouissait sa paresse, cette infirmité de son organisme qui l'avait poussé au crime. D'ordinaire, une causerie s'établissait, murmurée plutôt que parlée, entre la mère et le fils. Sous la lumière tamisée par le carton vert, on parlait bas, mais cette fois Abel s'enivrait de silence, d'immobilité, cherchant à s'engourdir pour la nuit redoutée et dont déjà il sentait la fièvre bruire à ses tempes. Même Madame Loisy était hantée par une préoccupation qui, presque à son insu, amena ses mots sur ses lèvres. « Dis donc, Abel, comme c'est singulier, le mensonge persistant de Voisineau. Ce n'est pas seulement sur les plaies du corps qu'un heurt produit une douleur aiguë. Il y a des mots qui sont de fer rouge. « Voisineau, » répliqua rageusement Abel, qui avait frémi des pieds à la tête, « une canaille. « Oh, » fit doucement Madame Loisy, « pourquoi es-tu si sévère? C'est un braconnier, je le sais bien. Mais personne, en dehors de cela, ne s'est jamais plaint de lui. Ton frère l'aimait beaucoup. Mon frère choisissait drôlement ses amis. » Madame Loisy eut un sursaut douloureux. La voix d'Abel avait frappé son cœur comme un marteau. « Ton frère, » fit-elle dans une sorte de hoquet, et elle ajouta, « ton frère était bon. » « Ce qui veut dire peut-être que je suis méchant. « Abel, pourquoi dis-tu cela? Est-ce donc t'accuser que de dire du bien de ton frère ?» Abel comprit subitement qu'il s'était laissé emporter, mais une rage intense l'empêchait de reprendre son sang-froid. Il haussa les épaules. « Non, » reprit-il, « mais enfin, je ne vois pas pourquoi tu crois ce braconnier plus que moi. Mais je n'ai pas dit cela. Comment veux-tu que l'idée même m'en soit venue? Seulement, je cherche à me rendre compte de l'intérêt qu'il peut avoir à mentir. En aurais-je donc un moi-même ?» Avec la mauvaise foi des querelleurs, Abel, dénaturant la pensée de sa mère, ramenait incessamment le dialogue à ses propres préoccupations. Madame Loisy, dans sa bonté, s'inquiétait maintenant d'avoir offensé son fils, et s'efforçant de se défendre, ressassant son raisonnement pour mieux s'expliquer, accroissait l'irritation du névrosé. « Je ne dis pas cela, » répétait-elle, « mais enfin, comprends-moi bien, que peut importer à Voisineau l'heure à laquelle il aurait trouvé le fusil. Si on pouvait le soupçonner d'un crime, il l'aurait commis à 9 heures du matin, aussi bien qu'à 9 heures du soir. Mais tu es bien sûr, toi, d'avoir quitté Georges à l'heure que tu as dite, et de l'avoir vu partir pour le pré des Chaumes. » Abel, repoussant violemment son fauteuil, au risque d'éveiller son père, s'était dressé, livide, grinçant des dents. En vérité, il eut presque un mouvement pour s'élancer sur sa mère, qui, épouvantée par cette transformation subite, par cette crispation du visage qui en faisait un masque hideusement furieux, avait poussé un cri et s'était rejetée en arrière. « Abel, Abel !» cria-t-elle, « tu me fais peur !»« Et moi ?» fit-il avec une dureté insolente, « je t'ordonne de te taire. J'en ai assez de tous vos soupçons. Ah ça, laissez-moi tranquille avec Georges. Je l'ai quitté à 9 heures du matin. Il est mort à 9 heures du soir. La montre le prouve. Le reste ne me regarde pas, et je ne veux plus qu'on m'en parle. » Et, poussé par le démon de la perversité génialement analysée par Edgar Poe, « Pourquoi ne dites-vous pas que je l'ai tué ? » fit-il. Il parcourut la chambre à grands pas, sans jeter un regard à ce père, qu'il semblait tant aimer, et qui dormait toujours dans son immobilité de cadavre. Il ouvrit la porte du cabinet où il se couchait et la referma violemment sur lui. Madame Loisy, atterrée, effarée, s'était affaissée sur sa chaise, ayant aux mâchoires le tremblement des désespérés. Elle tendait les mains vers la porte, ne trouvant pas un mot, n'ayant pas encore de larmes, mais laissant échapper de sa gorge contractée des gémissements douloureux. Ainsi elle resta pendant quelques instants, souffrant une réelle torture, celle de la suspension de toute l'activité, comme en une machine dont deux engrenages subiraient une résistance inattendue, moment intermédiaire entre l'immobilité et la reprise du mouvement. Puis elle ramena ses mains sur son visage et pleura, pleura. Elle avait été frappée en plein cœur, Ô Abel, Abel, si doux, si doux, si bon, si faible même. Lui avoir ainsi répondu, l'avoir ainsi traité. Mais qu'avait-elle dit de méchant? Elle discutait, elle raisonnait, voilà tout. Est-ce qu'il ne devait pas être intéressé, lui aussi, à ce que la vérité fût connue? Il aimait son frère. Elle revit, passant devant ses yeux, la face convulsée du jeune homme. L'aimait-il? C'était dans son cerveau comme un remous de pensées inarrêtables. Les mots se confondaient, les idées étaient inachevées, se confondant ensemble. En quelques secondes, c'était tout un monde de souvenirs, avec des menaces, des terreurs, des argumentations. Mais elle sanglotait, et la dérivation habituelle s'opérait. Il y avait distension de cette exacerbation nerveuse. Dans l'accalmie qui peu à peu s'épandait en elle, sa maternité maintenant plaidait pour ce fils dont elle tendait déjà à oublier l'effrayante attitude. Au cœur des mères, rien ne s'efface plus vite que le mal qu'elles souffrent par leurs enfants. Voici qu'elle plaidait, qu'elle le défendait. Il était si souffreteux, pauvre enfant. Elle n'avait pas deviné qu'à la suite des incidents de la journée, il était énervé, facilement irritable. Était-ce donc sa faute s'il n'avait pas la vigueur de son frère? Et elle se souvenait, avec un serrement de cœur, que cet enfant était né à peine viable, ayant été conçu après la première secousse cérébrale subie par son père. Elle en venait à s'accuser, à se sentir coupable. Elle se leva, décidée à aller trouver Abel, à s'excuser, à lui demander pardon. Mais elle était encore si fort oppressée qu'elle redouta que sa douleur mal comprimée l'irritât encore. Elle pensa qu'Abel, dans la précipitation qu'il avait mise à la quitter, n'avait point, comme d'ordinaire, fermé les volets de la salle à manger. C'était un soin qu'il s'était réservé, allant chaque soir aspirer quelques bouffées d'air avant de se mettre au lit. Elle passa donc dans cette pièce, portant la lampe qu'elle posa sur la table de whist, hélas, depuis si longtemps inoccupée. Elle écarta les rideaux, ouvrit la fenêtre. C'était une bonne nuit de printemps, avec sa chaleur douce et vivifiante. Elle se sentit subitement rassérénée et resta quelque temps accoudée sur la barre d'appui, enveloppée par le calme campagnard. Puis elle referma soigneusement, arrangea les plis des rideaux et revint vers la lampe. La montre de Georges était restée là, sur la table. Madame Loisy la prit dans sa main. C'était une triste relique. Et il ne fallait pas qu'il lui arrivât accident. Elle la regarda, l'ayant placée dans le creux de sa main. Les aiguilles étaient toujours au même point du cadran, se cachant presque l'une l'autre à 9 heures moins le quart. Une angoisse serrait la poitrine de la pauvre mère. Évidemment, des gouttes d'eau s'étaient infiltrées sous le verre et avaient arrêté le mouvement. Elle l'examinait de plus près, en retrouvant la trace jaunâtre sous l'émail. Cette contemplation réveillait ses souvenirs. Comme elle avait été heureuse autrefois. Quand Georges venait, la joie entrait dans la maison. Le père s'éveillait de son inaction. Toute la maison vibrait à cette gaieté entraînante. Que de gentilles malices en ce grand garçon qui se refaisait enfant. Il avait une façon de prendre par derrière la tête de maman et de l'abaisser jusqu'à ses lèvres qui ravissaient la chère femme. Il racontait au père des anecdotes de Paris, lui rendant des illusions du passé dont il savait ne point faire des regrets. Et M. Berthemont lui-même se déridait, et le brave curé Lampequin. Dire que tous les soirs, il lui décochait la même plaisanterie, faisant sonner à son oreille le carillon argentin de la vieille montre, et toujours lui causait le même soubresaut. Drilling ! Drilling ! La montre sonna. Inconsciemment, Madame Loisy avait pressé le petit ressort et le déclic avait joué. Drilling ! Les sons évoquent le passé. La mère avait eu presque peur. Stupéfaite comme d'un sacrilège. La montre n'était donc pas cassée. Mais alors, pourquoi ne pas la remonter? Cette trace d'une heure maudite devait-elle donc être éternellement conservée? À quoi bon? Déjà aujourd'hui même, n'eût-il pas mieux valu que les aiguilles eussent marché? Cela eût évité la discussion voisineau et aussi ce soir la scène douloureuse. Oui, oui, effaçons ce souvenir qui pèse sur le présent. Et comme pour conjurer un mauvais sort, Madame Loisy ouvrit le boîtier et introduisit la clé dans le carrelet. Il faisait ainsi, jadis, comptant tout haut les tours, entre 9 et 10 heures du soir, nommant les chiffres jusqu'à 11. Elle aussi compterait les 11 tours. Elle le fit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Que se passait-il? Elle avait rencontré le cran d'arrêt et si fort que la clé s'était échappée du petit trou. 6. Ce n'était pas possible puisque la montre s'était arrêtée à 9 heures du soir. Pourvu que le ressort ne fût pas brisé, elle replaça la clé et tout doucement tâcha de tourner. Le ressort était monté tout entier. Comment cela se pouvait-il puisque c'était 9 heures du soir? 6 tours, cela faisait à peu près la moitié. On croirait que la montre se fût arrêtée à 9 heures du matin. Ce n'était pas possible puisque Abel affirmait. Abel ment! Ces deux mots sonnèrent dans la tête de la malheureuse femme comme un choc de métal. En réalité, ce n'était pas de cet incident même que l'idée jaillissait, mais depuis le matin, depuis tout à l'heure, surtout, l'étincelle couvait et tout à coup elle se faisait flamme, tordant le cœur de la mère, le brûlant avec une atroce douleur. Oui, Voisineau avait dit vrai, oui, c'était le matin que Georges était mort, et Abel avait menti toujours, encore, avec une ténacité, une colère, que rien ne pouvait expliquer, sinon qu'il avait intérêt à tromper autrui sur le moment précis de la mort de son frère. Et pourquoi ? Cette femme calme, chez qui les émotions n'avaient jamais dépassé la moyenne des banalités quotidiennes, était tout à coup ébranlée par une vibration suraiguë, comme si sur les cordes d'un piano un instrument de fer eût rapidement glissé. La lenteur même de la pensée donnait à cette déduction, née d'elle-même, en une genèse inattendue, une vitalité, une force, d'autant plus énergique. Elle n'osait pas encore aller jusqu'au bout de sa pensée, vers cet inconnu noir, qu'elle devinait sans l'apercevoir. Si timide tout à l'heure, elle fut tout à coup vaillante contre ce mensonge, contre cette hypocrisie révélée, avec une évidence qui s'imposait. Elle ne voulait pas rester sous ce coup, passer la nuit avec ce spectre soupçonneux qui s'était levé dans les ténèbres de son imagination, et que peut-être la voix d'Abel chasserait en une seconde. Tenant dans sa main cette montre qui si inopinément était devenue un témoin, elle revint dans la chambre de Loisy. Elle non plus ne s'arrêta pas au pied de ce lit, où gisait ce qui était réellement toute sa raison de vivre. C'était encore pour défendre son mari que, soldat vaillant du foyer, elle allait au danger. Cependant, au moment où elle posa ses doigts sur le bouton de la porte qui communiquait au cabinet d'Abel, elle eut une suprême hésitation. Sa franchise l'emporta. Le panneau tourna sur ses gonds. Elle entra. Pas un bruit. Est-ce qu'Abel était déjà endormi? Cependant, il avait avoué à sa mère ses fréquentes insomnies. Elle fit le tour du lit, regarda et recula. Abel était assis sur le bord du matelas, à demi dévêtu, immobile, les yeux tout grands ouverts, si pâle que la bougie qui brûlait à côté de lui mettait à ses joues des méplats verdâtres. Et encore cette physionomie contractée, haineuse, terrifiante. Seulement ses yeux étaient fixés sur sa mère et il semblait ne pas la voir. Non, il ne la voyait pas. C'était vrai. Une sorte de catalepsie hypnotique s'était emparée de lui. Il avait un de ses bras levés comme pour porter la main à son front et le geste s'était arrêté en chemin. Ses lèvres, à demi ouvertes, n'exhalaient aucun son. Et pourtant, on eût dit qu'elle n'attendait qu'une question pour y répondre. Madame Loisy n'avait aucune idée des phénomènes de la névrose. Pour elle, dont l'âme simple avait encore toutes les naïvetés mystiques, Abel apparaissait comme un de ces extatiques qui troublent les fidèles au mur des églises. « Abel, Abel, murmura-t-elle, parle-moi, je t'en prie, tu m'épouvantes. » Lui, sans bouger, gardant son attitude d'ankylosé, répondit. « Je suis pris. Eh bien, monsieur le président, j'avoue tout. C'est moi qui ai tué mon frère. » Madame Loisy ne cria pas, ne pleura pas. Seulement elle recula, glissant en arrière jusqu'au mur qui faisait face au lit. Et là, cloué, aplati en quelque sorte, crispant ses doigts au papier qui s'effritait sous ses ongles, elle regardait, hypnotisée à son tour par ses yeux brillants de fièvre. Il continuait, dans des conditions singulières, employant tour à tour deux voix différentes, se jouant à lui-même, en ce sommeil, comme si souvent il l'avait joué éveillé, la scène de la cour d'assises. « Vous avouez enfin. Dites-nous ce qui s'est passé. Voilà, monsieur le président. Le matin, je suis sorti avec mon frère qui allait chasser. C'était lui qui m'avait proposé de l'accompagner. De quel côté vous êtes-vous dirigé? Du côté de l'Arbette. Alors vous reconnaissez ne pas l'avoir conduit auprès des Chaumes. Je le reconnais. Continuez. » Cette parodie d'un interrogatoire, avec ses nuances de réplique, était terrible. Madame Loisy écoutait toujours, morte à tout, sinon à cette réalité qui la tuait. Nous sommes arrivés à l'Arbette. Le pont était brisé. Mon frère a descendu avec moi le cours de la petite rivière, me disant qu'il trouverait bien un endroit où la glace serait assez solide pour le porter. N'est-ce pas plutôt vous qui lui avez suggéré cette idée ? Non, monsieur le président, je ne pensais à rien en ce moment-là. Georges m'a dit « Je vais passer là. Tu peux t'en aller. À tantôt, au dîner. » Il m'a serré la main. Trop fort, il m'a fait mal. Il a mis le pied sur la glace. J'étais resté sur la rive le regardant. Tout à coup, j'ai entendu un jurement et en même temps un craquement. La glace s'était brisée sous ses pieds et il était tombé tout droit. Un moment même, sa tête a disparu. Mais elle a émergé aussitôt. « Sapristi ! » m'a-t-il dit. « Quel bain ! Heureusement que ce n'est pas large. » Il a levé d'une main son fusil qu'il n'avait pas lâché et de la crosse s'est mis à casser la glace. Mais il a dit encore. « Elle est dure. Tiens, prends mon fusil et tiens-le ferme. Je vais me hisser. » « Qu'il fait froid !» Il grelottait et devenait tout pâle. Il m'a tendu le canon de son fusil, je l'ai pris. Il se soulevait. Alors l'idée m'est venue que je pouvais me débarrasser de lui. J'ai tiré violemment le fusil qui lui a échappé. Il est retombé. J'ai encore vu sa tête. Alors, de toute la longueur de mon bras, je l'ai frappé de la crosse. Il a disparu sous la glace. J'ai entendu qu'il essayait de casser la glace avec son crâne. J'ai attendu, puis tout a fini. J'ai compris. Je suis encore resté là, 10 minutes, et puis j'ai lancé de toute ma force le fusil de l'autre côté pour qu'on crût qu'il serait tombé en revenant de Ville-Girard. J'ai senti depuis que je m'étais trompé. J'aurais dû jeter le fusil à l'eau. Je suis revenu à la maison, voilà la vérité. Ainsi, c'est bien à 9 heures du matin que vous avez commis le crime ? La réponse ne vint pas. Un tremblement convulsif avait saisi le corps du misérable. Il s'abattit en arrière, en travers sur le lit, les bras étendus en croix, les jambes pendantes au dehors. Madame Loisy, mère douloureuse, se courba en deux, se cachant derrière les meubles comme s'il avait pu la voir, et sortit. Arrivée dans la chambre de son mari, elle faiblit, la tête lui tourna, elle faillit tomber. Mais se cramponnant à un fauteuil, elle se tint debout par force, les yeux fixés sur son mari qui dormait toujours.